إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire deux explications. On va tout d'abord faire jusqu'à 4 heures les explications de l'imam al-Nawawi, les explications des savants de la Sunna sur l'Arba'in Nawawi. Deuxième partie, on va commencer les 4 règles. Les explications des 4 règles. Donc on fera à chaque fois, première partie, explication d'Arba'in Nawawi, deuxième partie, explication des 4 règles. C'est ce que vous avez au départ, qui sont juste avant les 6 fondements. D'accord, Inch'Allah. Donc, comme ça, Inch'Allah, d'une part on avance, et puis ça nous permet de récolter, Inch'Allah, les informations bi-idhnillah. Donc, on va commencer avec les Arba'in Nawawi. Le livre des 40 Nawawi de l'imam, il s'appelle, donc, on va y aller avec, tout doucement, Inch'Allah. Voilà. Donc il s'appelle Yahya ben Sharaf ben Murri, et selon certains savants Mirra, mais bon, là ce qui est écrit dans sa biographie c'est ben Murri ben Hassan ben Hussein ben Muhammad ben Jum'a ben Hizam Abu Zakaria al-Nawawi al-Dimashqi. Donc sa kunya c'est Abu Zakaria. Est-ce que l'imam Nawawi était marié? Réponse, non. L'imam Nawawi, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, n'était pas marié. Ils ne se sont jamais mariés. Et bien qu'il n'avait pas d'enfant, sa kunya étant Abu Zakaria, et il est permis, hein, il est permis de prendre une kunya même lorsqu'on n'a pas d'enfant. Kunya. Par exemple, mon plus grand-fils, il s'appelle Mohamed. Donc, moi, c'est Abu Mohamed. C'est ça, la kunya. D'accord? C'est comme, par exemple, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Abu al-Qasim. C'est la kunya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, la kunya de l'imam Nawawi, c'est Abu Zakaria. D'accord? C'est une kunya. C'est-à-dire que même si quelqu'un il n'a pas d'enfant, il peut prendre, donc... Une kunya, d'accord? C'est ça, c'est une kunya, si on veut traduire, ce sera un surnom, d'accord? C'est Abu Zakaria, même s'il n'a pas d'enfant. Souvent on le dit, par exemple, c'est lorsque ton enfant le plus grand, tu nommes son nom, tu vois, juste après le tien, d'accord? Mais même si quelqu'un n'a pas d'enfant, il peut prendre une kunya, d'accord? Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et... Cet imam donc fait partie de ces savants qui sont restés célibataires et qui ne se sont jamais mariés. D'accord ? Abu comment ? Abu Zakaria, pour l'imam al-Nawawi. C'est-à-dire même si vous entendez Abu Zakaria, ça réfère à l'imam al-Nawawi. D'accord ? Il a été surnommé à un moment Muhyiddin. D'accord ? Qui signifie celui qui revivifie la religion. Mais lui, l'imam al-Nawawi, rahimallah, il détestait ce surnom parce que c'était une éloge qui était faite. D'accord ? Une qui a Muhyiddin, celui qui revivifie la religion. C'était trop. Il percevait ça comme une éloge. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il détestait ce nom-là. Donc quand est-ce qu'il est né ? Il est né en 631. 631 de l'Égypte, tandis que dans l'ère chrétienne, là, dans le calendrier grégorien, c'est Donc il est né en, dans le calendrier de l'Hégire, c'est-à-dire 631, c'est-à-dire l'an 631, mais dans l'ère chrétienne, c'est 1272. 1272 de l'ère chrétienne. Il est né à Nawa, d'où Nawawi, d'accord? Nawa, c'est une ville qui est située dans la province de Hawran en Syrie. D'accord? Il est né à Nawa, d'où Nawawi, et c'est dans la province de Hawran en Syrie. On fait une petite comme ça, un résumé de la biographie, comme ça on sait l'auteur, d'accord? Avant de... Hawran, non, tu peux écrire H-A-W-R-A-N. Ça c'est la province dans laquelle se situe cette ville-là qui s'appelle Nawa. Et c'est en Syrie ça. Il mémorisa le Coran avant la puberté. À 19 ans, son père l'amena à Damas, toujours en Syrie, où il y étudia. Il étudia le fiqh, les fondements, le hadith, les sciences, la grammaire, l'exégèse. Et il devint ensuite enseignant dans cette école, dans l'école de Rawahiya, qui est dans cette ville-là de Damas. Et il devint donc enseignant dans cette école, notamment grâce à sa détermination, sa sincérité. Allah Azza wa Jal lui a facilité et il fit de lui donc le maître de l'école Shafi'ite de son époque, l'imam Nawawi. Il récitait 12 leçons par jour à ses professeurs. Et ce qu'il y a, c'est lorsqu'on voit en fait ces savants, comment ils s'investissent dans leur temps, pour donner le maximum de temps à Talib Ilm, à la recherche de la science, l'imam Nawawi ne mangeait souvent qu'un seul repas par jour. Et après, l'Ishaï, c'est ça. Pour qu'il ne perde pas son temps à préparer ou à manger, d'accord ? Subhanallah. Donc il donnait tout son temps à la science. Et on rapporte à ce propos que pendant plusieurs années, son flanc n'a pas touché le sol. C'est-à-dire qu'il dormait assis. Et il avait donc de nombreux professeurs et aussi de nombreux élèves. Alors, ses écrits, il a écrit aussi notamment beaucoup de livres. Allah Azza wa Jal donc lui a facilité par le temps qu'il avait. Il ne commença l'écriture qu'en 660. On se rappelle, il est né en 631. D'accord ? Et il a commencé donc l'écriture en 660. Et en l'espace de 16 ans, parce qu'il est mort en 676, né en 631, mort en 676. En l'espace de 16 ans, il avait un nombre élevé de livres, dont plusieurs dans le fiqh, hadith, le Coran, et ses sciences, la langue arabe. Et bien sûr, ces livres, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les musulmans, sur toute la planète, sont en train de profiter encore, subhanallah, de ce ilm. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'individu meurt, toutes ses œuvres sont stoppées, arrêtées, excepté trois choses, sadaqa jariya, ou ilm yantafi'be, walad salih yad'u lah. Et donc... il a laissé, en fait, en laissant tous ses livres, en laissant toute cette science-là, regardez, subhanallah, il est mort, rahimahullah, et regardez les bienfaits qu'il continue de recevoir, subhanallah. Comme l'imam al-Bukhari, on cite un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, subhanallah. Les 40 al-Nawawi, vous allez partout dans le monde, musulmans, vous trouverez, subhanallah, l'arba'in al-Nawawi, partout, subhanallah. Regardez le bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Dans le hadith, il a fait le commentaire de Sahih Muslim, Sharh Sahih Muslim. Il a écrit aussi l'Adhkar, les 40 hadiths al-Nawawi, qu'on va étudier Inch'Allah. Sharh Sahih al-Bukhari, il a fait aussi le commentaire de Sahih al-Bukhari. Il a fait aussi Sharh Sunan Abi Dawood, aussi le commentaire de Sunan de Abi Dawood. Il a fait aussi, donc il a écrit Riyad Salihin, qui est connu. Donc Riyad Salihin, min kalam, Sayyid al-Mursalin. Et dans le fiqh, il a écrit donc quelques ouvrages. Sa croyance, parce qu'il y a en fait aujourd'hui des prêcheurs qui essaient d'utiliser l'imam al-Nawawi pour justifier le fait qu'ils sont des Ash'ira. D'accord ? Donc tout mujtahid peut se tromper. Lorsqu'il se trompe, il a une récompense. Et s'il voit juste, il a deux récompenses. D'accord ? Et par un ijtihad de sa part, il s'est trompé, l'imam al-Nawawi, rahimallah, en faisant l'interprétation de certains attributs d'Allah, notamment lorsque dans le commentaire de Sahih Muslim, notamment, il a fait donc l'erreur, il s'est trompé en faisant l'interprétation de certains attributs d'Allah. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de lui pardonner ses erreurs et que le bien qu'il a apporté et ses efforts soient récompensés et que le verset, comme dans la traduction de sens du verset, « Certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises » s'applique à lui. La question c'est, quel regard maintenant portent les gens de la sunna et du consensus sur l'imam al-Nawawi, notamment sur l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, c'est celui qui a fait le sharh du Sahih Bukhari, qui a fait le commentaire au Sahih Bukhari. La question a été opposée aux savants sur la position des gens de la sunna vis-à-vis l'imam al-Nawawi et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahumullah. Cheikh l'Albani, rahimahullah, a dit, lorsque la question lui a été posée, quel regard portent les gens de la sunna et du consensus sur l'imam Nawawi et l'imam al-Asqalani? Il répondit, rahimahullah, nous conseillons à nos jeunes de s'astreindre à l'application du Coran et de la sunna dans les limites qu'ils en ont, et de ne pas avoir l'audace de s'attaquer à d'autres personnes qu'ils n'égalent pas en termes de science, de compréhension et peut-être même de piété. L'imam Nawawi, c'est pas rien. Ah. Ibn Hajar al-Asqalani, ce n'est pas rien du tout. Donc, les gens, ils essaient de dire, regardez, ils étaient sur la aqida des Ash'ira, et vous voyez, Al-Qardawi, ils essaient de comparer Al-Qardawi avec l'imam Nawawi. On ne peut pas comparer, subhanallah, une montagne de science qu'était l'imam Nawawi avec les innovateurs des jours d'aujourd'hui. Donc, ou bien ils veulent comparer Sayyid Qutb. Mais Sayyid Qutb, c'était un écrivain. Ce n'était pas un savant. Il écrivait pour la secte des frères musulmans. Donc ils veulent dire, mais comme lui, il s'est trompé, regarde, l'imam Nawawi aussi, il s'est trompé. Non, c'est différent, ça. Ça, c'est un savant, l'imam Nawawi. Là, ce n'était pas un savant. L'Akhir qui cite, c'est un innovateur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il appelle les gens à sortir se rebeller contre leur gouverneur. Donc, il ne faut pas qu'on mélange tout ici. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Albani, rahimallah ? Certes, je sais qu'ils s'inscrivent, les deux imams, dans la tendance ash'arite. Pour être plus correct dans le terme, c'est kullabiyya. D'accord ? Cependant, ils ne contredisaient pas le Coran et la sunna intentionnellement. Ils ne faisaient pas intentionnellement. C'est-à-dire que, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait un ijtihad de leur part, les imam Nawawi, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ils ont fait un ijtihad. Mais aujourd'hui, les gens qui s'affilient à la Ash'ira, qui est plus, pour être plus correct, à la Kullabiyya, eh bien, on ne peut pas dire que ces gens-là, ils l'ont fait sans une intention, ils l'ont pas fait exprès, quoi. Non, ils savent, subhanallah. On les conseille, on leur dit, subhanallah, Allah est au-dessus de son trône, est élevé au-dessus de son trône, et ils veulent changer, non, tu dis pas istiwa, tu dois dire estaoula, tu dis, subhanallah, crains Allah, il va te dire quoi? Ben, l'imam Nawawi. Ou bien l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. D'accord? Eux aussi étaient ash'arites. Et il va te dire, toute la communauté est ash'arite, etc. Donc, eux, ils ne contredisaient pas le Qur'an et la sunna intentionnellement. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Qui se réclament étant de cette tendance-là? C'est intentionnellement. Ils réfutent clairement qu'Allah Azza wa Jal a des mains. Ils te disent non. Mais les mains veulent dire la puissance. Alaykoum salam, Mohsen. Et puis en plus, ils acceptent que 7 attributs. Et en plus, voilà. C'est seulement celles qui sont en conformité avec leur raison. Donc là, on ne peut pas dire que ces gens-là contredisent Yani, ils ne contredisent pas le Coran intentionnellement. On ne peut pas comparer l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, avec les innovateurs contemporains. Donc il dit, le Cheikh l'imam al-Albani, rahimallah, ils se sont uniquement positionnés face à ce qu'ils avaient hérité de la profession de foi ash'arite de l'une des deux façons suivantes. En pensant que c'était la position finale de l'imam al-Ash'ari, alors que c'était en fait celle qu'il avait initialement soutenue avant de revenir sur ses propos. Vous vous en souvenez dès qu'on avait étudié les six fondements, que l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, il était tout d'abord un Mu'tazili, c'est-à-dire qu'il réfutait tous les attributs d'Allah, excepté les noms, parce que c'est les Jahmiyyah qui réfutent les noms et les attributs. Les Mu'tazila donc réfutaient que les attributs et ils ont, ils croyaient au nom. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il était Mu'tazili. Puis après, Allah Azza wa Jalla l'a guidé, il a quitté. Oui, il s'est repenti. Voilà. L'i'tizal, il s'est repenti. Et il est tombé dans la Kullabiyya. D'accord ? D'Ibn Kullab, qui lui, qu'est-ce qu'il avait instauré, Ibn Kullab ? Qu'il réfutait tous les attributs excepté sept, ceux qui étaient que la raison acceptait. D'accord ? Puis après cette période-là, il s'est encore repenti en disant « Je me repens de la croyance que de ce que j'étais, comme vous voyez, enlever ce vêtement-là et je suis sur le madhab de l'imam Ahmed. » Ça, c'est pendant la khutbah. Donc là, ces imams-là, l'imam Nawawi et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, donc soit ils se sont positionnés sur cette profession de foi, hein, parce qu'ils pensaient que c'était la position finale de l'imam Abu Hassan al-Ash'ari. Alors qu'en fait, c'est celle qui l'était au départ. Ou, deuxième point, c'est en considérant cela comme juste, alors qu'il n'en était pas ainsi. Ils pensaient que c'était juste, ils pensaient que c'était bon. Ils ont fait un ijtihad, ce sont des savants ceux-là, ils ont fait un ijtihad. Mais ils se sont trompés. La question a été posée également à Sheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, un grand savant contemporain. Quel est votre conseil à celui qui rend innovateur les imams al-Nawawi et Ibn Hajar al-Asqalani? La réponse, il dit, c'est lui l'innovateur. Celui qui dit que l'imam Nawawi et l'imam Ibn Hajar sont des innovateurs, il dit, eh bien c'est lui qui a dit ça, qui a donné cette accusation-là, c'est lui l'innovateur. Concernant l'imam al-Asqalani et l'imam al-Nawawi, ce sont deux imams honorables, savants du hadith. Et ils ont des ouvrages d'une très grande importance dont ont profité les musulmans et dont ils continuent encore de profiter. Et ils sont tous deux des savants du hadith. Et il n'est pas permis de rendre innovateurs ces deux imams. D'accord ? Donc ça déjà, pour avoir une idée sur cette petite choubouette que certains peuvent soulever. D'accord ? Les vertus de l'imam al-Nawawi. Il fait partie des gens, ce savant, qui a complètement divorcé la dunya. Il a complètement divorcé la dunya. Il lisait beaucoup le Coran, faisait beaucoup de dhikr, renonça à la vie présente, se tourna vers la vie dernière depuis son jeune âge. Il portait des vêtements en coton et le turban. L'imam al-Zahabi décrit cet imam en disant « Le cheikh, le guide, l'exemple, le hafid, le théologien, l'ascète, le dévot, le mujtahid, l'imam Mouhidin Abu Zakari al-Nawawi. » C'est l'imam al-Dahabi, un étudiant de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui dit ça sur l'imam al-Nawawi. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres, il consacrait souvent de longues veillées à l'adoration et à l'écriture des livres. Il riait peu, oui, subhanallah, il riait peu et ne perdait jamais son temps dans le jeu. Il était nuit et jour occupé par la recherche de la science, la purification de l'âme, l'amélioration de son comportement. Alors, subhanallah, t'imagines, hala, c'est un grand savant. Un grand savant, regarde comment il essayait de faire ce jihad contre son fort intérieur afin d'améliorer son comportement avec toutes les veillées qu'il faisait, avec tous les afkars. Dès que je dis Améliorer son comportement, ça c'est un combat de toute une vie. Allah al-Musta'an. Donc sa mort, il tomba malade et il décéda à Nawa, à la ville où il est né en Syrie, dans la maison de ses parents en 676 à l'âge de 45 ans. Et donc, il y a des livres qui ont traité de la biographie de l'imam Nawawi. Vous trouverez ça notamment dans Al-Bidayah wa Nihaya de l'imam Ibn Kathir et Tadhkirat al-Huffaz de Al-Zahabi. Et puis, il y a d'autres, Tabaqat al-Shafi'i aussi. Donc, que vous pourrez retrouver si vous voulez plus de détails. D'accord ? Donc, ça, c'est un résumé de, pour avoir une idée déjà, qui est cet imam qu'on va étudier un de ces livres, Inch'Allah. On va voir aussi les fawaïd concernant ce livre de Al-Arba'in al-Nawawiyya. C'est après avoir fait la salette d'Istikhara que l'imam al-Nawawi rédigea donc ce livre en se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah illumine le visage d'un homme qui a entendu mes propos, les a bien gardés dans sa mémoire et les a transmis comme il les a entendus. Aussi, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que celui d'entre vous qui aura témoin de mes dires transmette la connaissance à l'absent. Comme je disais tout à l'heure, cet ouvrage-là de Al-Arba'in al-Nawawiyya est l'un des plus connus de l'imam al-Nawawi. Et vous avez feuilleté à peu près le 40 hadith de l'imam al-Nawawi. Il y a combien de hadith en tout? 42. 42, normalement vous devez avoir celui qui a 42. Il n'y a pas celle où est-ce qu'il y a le rajout de Ibn Hajar. Hein? Moi j'en ai 50. Ah ben alors t'as celui-là qui est. Qu'est-ce que c'est écrit dans la. On en a 50 là. Qu'est-ce que c'est écrit sur la page de devant là? C'est marqué 40. Donc ils ont rajouté, c'est pour ça, parce que là vous avez l'ouvrage où est-ce qu'ils ont rajouté les 8 autres hadiths qu'a rajouté l'imam Ibn Hajar. Donc, ce livre, donc, il contient exactement 42 hadiths, d'accord ? Donc, pourquoi il y en a 42, mais on dit 40, d'accord ? C'est parce qu'en fait, ça c'est, comme Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, rahimallah, et Cheikh al-Abbad, ils expliquent dans leurs commentaires que le livre contient exactement 42 hadiths, mais les Arabes disent 40, même si la chose n'en compte que 38, 39, 41 ou 42. Tant que c'est de 38 à 42, dans toute cette fourchette-là, ils considèrent que c'est 40. D'accord ? L'imam Nawawi, rahimahullah, a quant à lui assemblé 40 hadiths. Chacun de ces hadiths contient une des règles fondamentales de l'islam. D'accord ? Et c'est ce qui diffère notamment avec d'autres savants qui, par exemple, vont rassembler un certain nombre de hadiths, mais ce sera pour un thème précis. D'accord ? Lui, ce qu'il y a, c'est que chaque hadith, en fait, a un des principes importants de la religion. Une des règles fondamentales de l'islam. D'accord ? En termes d'orientation, en termes d'acte d'obéissance, en termes de ce que les savants insiste dessus, notamment pour montrer en fait l'orientation qu'il faut avoir, qu'est-ce qui est permis. À chaque fois, vous aurez par hadith ce qui englobe en fait les principes de l'islam. Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad avait expliqué qu'il n'y a pas un étudiant en religion n'ayant pas lu ou mémorisé ces 40 hadiths al-Nawawi. Tous ceux qui étudient la religion, eh bien, au moins une fois dans leur vie, ils ont lu les 40, les 40 hadith Nawawi, ou les mémorisent. Donc Allah Azza wa Jal a fait donc que cet imam et ses écrits soient acceptés et appréciés des musulmans en récompense pour sa sincérité. Ce qu'il y a aussi, ce qu'on verra dans le hadith, dans les 40 Nawawi, et c'est une facilité notamment pour petit Et il faut vérifier ça, Mohsen, Inch'Allah. Bidnillah. Je vérifierai ça, Inch'Allah, Bidnillah. Donc, l'imam al-Nawawi, dans ses 40 hadiths, ne mentionne pas des chaînes de transmission en entier. Et ceci, c'est afin de faciliter la mémorisation. Donc, Ibn Rajab ajouta aux 42 hadiths de Nawawi 8 autres hadiths, c'est ce que vous avez là maintenant. Et ces 42 hadiths démontrent la faculté exclusive qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'exprimer beaucoup de choses en peu de mots. Hein? Il disait beaucoup de choses, mais en peu de mots. C'est ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim, comme on verra dans l'explication de Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidahullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a envoyé avec la faculté d'exprimer beaucoup de choses en peu de mots. Et le hadith, il est dans les deux sahihs. Donc là, on commence maintenant l'avant-propos de Cheikh Salah al-Fawzan. Et donc, comme je l'avais mentionné, je vais utiliser les explications de différents savants. D'accord ? Notamment Cheikh Salah al-Fawzan. Il y a d'autres hadiths parce que je vais utiliser les explications de Cheikh Ubayd al-Jabri, d'autres de Cheikh Salah al-Sheikh. D'accord ? Donc il dit, le Cheikh Salah Fawzan, hafidhahullah, « Alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fahadha al-kitab ismuhu kitab al-arba'in, iqtasara muallafuhu ala arba'in haditha liannahu warada fi fadli man jama'a lil-umma arba'in haditha anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, man hafidha ala ummati arba'in haditha من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. Donc Cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah commence en expliquant que ce livre là, les 40 al-Nawawi, eh bien l'imam al-Nawawi a rassembler ces 40 hadiths-là, notamment parce qu'il y avait un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: celui qui aurait rassemblé pour ma communauté les 40 hadiths concernant les conditions de leur religion, eh bien Allah azza wa jal l'enverra le jour de la résurrection dans le groupe de ceux qui sont les jurisconsultes et les savants. Il sera envoyé, il sera yani, avec le groupe le jour de la résurrection, avec le groupe des jurisconsultes et des savants. Et dans une autre narration, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: je serai pour lui le jour de la résurrection son intercesseur et son témoin. Cependant ce hadith اتفق الحفاظ على ان هذا الحديث ضعيف وان كثرت طرقه وتعددت رواياته عن عدد من الصحابه. Cependant ce hadith là est un hadith qui est faible. Donc comme cela a été clairement clarifié que ce hadith là que l'imam Nawawi avait commencé à mentionner, eh bien c'est un hadith qui est faible même si il y a de nombreux compagnons qui l'ont mentionné. D'accord ? Les hadiths, ils existaient déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non ? Ou c'est parce que c'est après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les hadiths ont commencé à dire que ils ont commencé à être écrits en fait quelques années après la mort du prophète. Non. Les hadiths ont déjà été commencés à être écrits durant le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Considéré comme un hadith. Hadith, oui. En fait, hadith, dans mon esprit, Non, c'est une narration du prophète. Ça veut dire c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est un récit du prophète, voilà. Une narration du prophète ou un récit du prophète. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord ? Ou par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Les sahabes ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir fait cela. Parce que la sunna, ça regroupe quoi ? Ça regroupe tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou ordonné, tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il n'a pas fait. Barakallahu fik. Et ça regroupe aussi ce qu'il a agréé. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il s'est relevé du ruku, il a dit Sami Allah liman hamida, Rabbana walakal hamd, compagnon avait dit derrière lui, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. C'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait dit. Mais après la salat, barakallahu fik, c'est un compagnon qui l'avait dit. Mais après la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a dit cette parole-là? Car j'ai vu les anges qui se concurrençaient, qui sait qui va écrire cette bonne œuvre-là. En disant cette parole-là. En disant cette parole-là. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé, a agréé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a agréé, ça rentre dans la sunna. Donc c'est pas comme les Moubtad Iraz qui disent, ils disent les compagnons ont innové durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'innovation durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait. Non, s'il faisait quelque chose, les sahaba, pourquoi c'est pas correct cette parole-là? Parce que tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, la législation continue d'être révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il est mort, la législation est complète. Tout s'arrête. Tout s'arrête là. Tu ne peux plus rajouter ou enlever ou quoi que ce soit. Tu dois te référer à ce qui est complet. D'accord? Donc du temps de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait des sahaba qui faisaient quelque chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agréait pas, il leur disait non. Hein? Ou s'il y avait une chose qui rentre dans la législation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'agrée. S'il l'agrée, ça l'a fait rentrer dans la sharia d'Allah. Et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il y a, c'est que barakallahu fik, c'est qu'ils ont dit que ce hadith-là qu'il avait rapporté, pour le fait de rassembler ces 40 hadiths-là, ce hadith-là, celui qui regroupe les 40 hadiths pour ma communauté, eh bien il y a telle récompense, mais toutes les voies de ce hadith-là sont faibles. Même s'il y a plusieurs sahaba qui ont rapporté ce hadith-là, ce qu'il y a, c'est que dans la chaîne de transmission... C'est-à-dire qu'il peut y avoir des compagnons, cependant, il peut y avoir que entre ce compagnon-là et celui qui suit, la personne qui suit, qui va rapporter du compagnon, il y a peut-être, soit c'est un inconnu, ou soit il y a une distance, c'est comme si, que, par exemple, quelqu'un des années 1800, d'accord ? Et puis quelqu'un en 2016 dit, j'ai entendu de celui-là en 1800. Donc là, il y a un trou énorme, d'accord ? Donc c'est pour ça que là, ils ont dit, malgré de nombreuses narrations sur cela, elles sont toutes faibles. Parce que c'est au niveau du temps, c'est au niveau de la séparation. Ben, ça dépend exactement dans le hadith. Pour être clair, concernant ce hadith-là, j'ai pas vérifié la chaîne de narration. C'est quoi le problème exactement? Pourquoi c'est faible et quel est l'individu qui est faible? D'accord. Je pourrais faire ça, inchallah, pour la semaine prochaine. Là, ce que je vous rapporte, barakallahu fikoum, c'est ce que le Cheikh Salah Fawzan rapporte, et notamment même l'imam Nawawi rahimahullah l'avait mentionné que aussi le hadith était faible. D'accord. Donc ce hadith-là qui est mentionné, donc le hadith, il est faible. فالإمام يحيى بن شرف النووي أراد أن يظفر بالأجر العظيم. Donc il voulait, l'imam Nawawi, avoir une grande récompense en rassemblant ces 40 hadiths. فاختار هذه الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. Donc il a choisi en fait des hadiths qui comportent différents thèmes, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans les bonnes œuvres, d'accord ? فجمعها في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله. Donc il les a rassemblés dans ce petit livre qui est petit en taille mais qui est énorme en récompense, qui est énorme en bénéfice que cela peut apporter, pour être plus précis. ثم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 10 حديث فصارت 50 حديثا. C'est ce que vous avez là, les 50 hadiths, d'accord. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, donc a rajouté donc ces 8 autres hadiths, que ça fait 50 en tout. وشرح عليها في كتابه جامع العلوم والحكم. Donc ensuite il les a expliqués dans son livre جامع العلوم والحكم. وهو شرح حافل بالفوائد العلمية العظيمة. Donc il dit les bienfaits, les bénéfices qu'il y a dans l'explication, notamment que Ibn Rajab avait expliqué pour ces hadiths-là, qui lui avait notamment rajouté. والإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما متخصصا في مختلف العلوم. Donc l'imam Nawawi c'était un grand imam qui était spécialisé dans différentes sciences. فكان متخصصا في الحديث والفقه واللغة واللغة العربية. Donc il était spécialisé dans le hadith, dans la jurisprudence, dans la langue arabe. وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين. Et donc il avait c'était accepté par les musulmans. Tous les livres qu'il a fait, les musulmans ont pu en bénéficier. وذلك والله اعلم لنيته الصالحه. Et ceci, le fait que ça a eu ces livres-là un grand succès au sein de la communauté, que beaucoup de musulmans ont pu bénéficier de cela, c'est dû, et Allah est le plus savant, dû au fait qu'il avait une intention qui était bonne, وإخلاصه لله عز وجل, et sa sincérité envers Allah عز وجل, envers Allah le Très-Haut, فكان لمؤلفاته الأثر العظيم, et donc il a eu beaucoup de bénéfices et beaucoup d'impact sur la communauté. ومن هذا الكتاب الأربعون, notamment ce livre-là, أربعون, les 40 نووي, ومنها رياض الصالحين, et notamment il y a aussi رياض الصالحين qui est connu, ومنها شرح صحيح الإمام مسلم, et aussi le commentaire, les explications du Sahih Muslim. Et donc il y a وَمِنْهَا مُؤَلَّفَاتِ فِي الْفِقْهِ مُعْتَمِدَ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي. Donc il était plutôt dans le madhhab de l'imam al-Shafi'i en termes de fiqh, d'accord. فَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ وَقَدْ أَلْقَى اللَّهُ الْقَبُولَ لِمُؤَلَّفَاتِهِ وَانْتَفَعَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظيمة والإتقان فرحمة الله عليه من إمام جليل. Donc il dit, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les musulmans bénéficient énormément de ces ouvrages, qu'Allah ait miséricorde sur lui. الحديث الأول. Je pense qu'on va lire le premier hadith, d'accord ? On va lire le premier hadith, parce que là on a fait déjà sa biographie, l'introduction de Cheikh Salah al-Fawzan. On va lire le premier hadith et puis la semaine prochaine on continuera donc l'explication du premier hadith avant de passer à l'explication des quatre règles. Donc le hadith al-awwal, « An Amir al-Mu'minin, Abi Hafs » عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Et donc ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans leur sahih. Selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le prophète, il a dit que j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire les œuvres ne valent que par leur intention. Donc vous avez le matin, hein, dans le livre là. Quiconque donc, son intention de faire la hijra était de la faire pour Allah et son envoyé, eh bien, son œuvre sera, sa récompense sera, l'intention c'est qu'il l'a faite, et eh bien il aura ça comme récompense, qu'il l'a faite pour Allah et son envoyé. Mais celui qui fait la hijra pour un bien de ce bas monde, qu'il est un bien de ce bas monde, ou bien pour marier une femme, c'est-à-dire il veut faire la hijra, non pas pour Allah et son messager, mais il l'a fait parce qu'il y a une femme qui est là-bas à Médine, pour la marier. Donc celui qui fait la hijra pour cela, eh bien, il aura la récompense, yani il sera rétribué en termes d'intention. C'était quoi son intention? Il a fait la hijra pour Allah et son messager, eh bien, il aura la récompense pour cela. S'il n'a pas fait la hijra pour Allah et son messager, il n'aura pas la récompense de la hijra pour Allah et son messager. D'accord? Son intention, la récompense, est en fonction de c'était quoi son intention. Si son intention, c'était pour sincérité envers Allah Azza wa Jal, il sera récompensé pour cela. Mais si ce n'est pas pour cela, eh bien, il aura fait la migration pour son but mondain. D'accord ? Donc on va s'arrêter là, inchallah, pour aujourd'hui, pour les explications. D'accord ? Et on va continuer donc l'explication. Donc on fera la semaine prochaine l'explication du premier hadith de l'Arba'in min al-Nawawi, inchallah. D'accord ? Donc, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu